Chapitre 3. Great Erie. Le lendemain dès l'aube, Elias Smith et moi nous quittions Morganton par la route qui, en longeant la rive gauche de la Saroubar River, conduit à la bourgade de Pleasant Garden. Les guides nous accompagnaient. Harry Horne, âgé de 30 ans, James Brooke, âgé de 25 ans, tous deux habitants de la bourgade au service des touristes qui désiraient visiter les principaux sites des Montagnes Bleues et du Cumberland, formant la double chaîne des Alleghanies. Intrépides ascensionnistes, vigoureux de bras et de jambes, adroits et expérimentés, ils connaissaient bien cette partie du district jusqu'au pied de la chaîne. Une voiture attelée de deux bons chevaux devait nous transporter jusqu'à la limite occidentale de l'État. Elle ne contenait des vivres que pour 2 ou 3 jours, notre campagne ne devant sans doute pas se prolonger au-delà de ce délai. Il n'y avait eu qu'à s'en remettre à M. Smith pour le choix des victuailles, conserve de bœuf en daube, tranches de jambon, un gigot de chevreuil cuit à point, un tonnelet de bière, plusieurs fioles de whisky et de brandevin, du pain en quantité suffisante. Quant à l'eau fraîche, les sources de la montagne la fourniraient en abondance, alimentée par les pluies torrentielles qui ne sont point rares à cette époque de l'année. Inutile d'ajouter que le maire de Morganton, en sa qualité de déterminé chasseur, avait emporté son fusil et emmené son chien Nisko, qui courait et gambadait près de la voiture. Nisko lui rabattrait le gibier lorsque nous serions sous bois ou en plaine, mais il devrait rester avec le conducteur dans la ferme de Wildon, tout le temps que durerait notre ascension. Il n'aurait pu nous suivre au Great Erie, en raison des crevasses à franchir et des roches à escalader. Le ciel était assez beau, l'air frais encore, en cette fin d'avril, parfois rude, sous le climat américain. Des nuages filaient rapidement sous l'action d'une brise variable qui venait des larges espaces de l'Atlantique, et entre eux se glissaient des percées de soleil dont s'illuminait toute la campagne. La première journée permit de gagner Pleasant Garden, où nous passerions la nuit chez le maire de la bourgade, un ami particulier de M. Smith. J'avais pu observer curieusement cette région où les champs succèdent aux marais et les marais aux cyprières. La route, convenablement entretenue, les traverse ou les côtoie sans s'allonger de multiples détours. Dans les parties un peu marécageuses, les cyprès sont superbes avec leurs tiges élancées et droites, légèrement renflées à la base, leurs pieds bossués de petits cônes, sortes de genoux dont on fait des ruches dans le pays. La brise, sifflant à travers leur feuillage vert pâle, balançait les longues fibres grises, ces barbes espagnoles, qui, des basses branches de la ramure, tombaient jusqu'au sol. Tout un monde animait ces forêts du district. Ils fuyaient devant notre attelage, souris, campagnols, perroquets aux couleurs éclatantes et d'une assourdissante loquacité, Sarig, qui détalait par bonds rapides, emportant les petits dans leur poche ventrière, puis par myriades se dispersaient les oiseaux entre le feuillage des banyans, lataniers, orangers, dont le bourgeon ne tarderait pas à s'ouvrir au premier souffle du printemps, massifs de rhododendrons tellement épais parfois qu'un piéton ne saurait les traverser. Arrivé le soir à Pleasant Garden, nous y fûmes convenablement installés pour la nuit. La journée suivante suffirait à gagner la ferme de Wildon au bas de la chaîne. Pleasant Garden est une bourgade de moyenne importance. Bon accueil et généreuse réception nous furent faits par le maire. On soupa gaiement dans la salle de la jolie habitation qu'il occupait sous l'abri de grands hêtres. Naturellement, la conversation porta sur la tentative que nous allions faire pour reconnaître les dispositions intérieures du Great Erie. Vous avez raison, nous déclara notre hôte. Tant qu'on ne saura pas ce qui se passe ou se cache là-haut, nos campagnards ne seront point rassurés. Mais, demandai-je, aucun fait nouveau ne s'est produit depuis la dernière apparition des flammes au-dessus de Great Erie. Aucun, monsieur Stroke. De Pleasant Garden, on peut facilement observer l'arête supérieure de la montagne jusqu'au Black Dome qui la domine. Pas un bruit suspect ne nous est parvenu. Pas une lueur ne s'est montrée. Et si c'est une légion de diables qui est nichée là, il semble bien qu'ils aient achevé leur cuisine infernale et soient partis pour quelque autre repère des Alleghanies. « Des diables ? » s'écria M. Smith. « Eh bien, J'aime à croire qu'ils n'auront pas déguerpi sans laisser quelques traces de leur passage, bout de queue ou bout de corne. Nous verrons bien. » Le lendemain 29, au jour naissant, l'attelage nous attendait. Monsieur Smith reprit sa place, je repris la mienne. Les chevaux se mirent à rapide allure sous le fouet du conducteur. Au terme de cette seconde journée de voyage, depuis le départ de Morganton, nous ferions halte à la ferme de Wildon entre les premières ramifications des montagnes bleues. La contrée ne présentait aucune modification. Invariablement, les bois et les marais alternaient, ces derniers plus espacés cependant, étant donné l'exhaussement progressif du sol aux approches de la chaîne. Le pays était aussi moins peuplé. À peine de rares villages, perdus sous la puissante ramure des hêtres, des fermes isolées, qu'arrosaient abondamment les rios descendus des ravins, affluents nombreux de la rivière de Saroura. Faune et flore, les mêmes que la veille, et en somme, assez de gibier pour qu'un chasseur pût faire bonne chasse. « Je serais vraiment tenté de prendre mon fusil et de siffler Nisko, » disait M. Smith. « C'est bien la première fois que je passe ici sans éparpiller mon plomb sur les perdrix et les lièvres. Ces bonnes bêtes ne me reconnaîtront plus. Mais à moins que nos provisions ne viennent à s'épuiser, nous avons autre chose en tête aujourd'hui, la chasse au mystère. « Eh, ajoutai-je, puissions-nous, M. Smith, ne pas revenir bredouille. » Pendant la matinée, il fallut traverser une interminable plaine où les cyprès et les lataniers ne poussaient que par groupes ou bouquets. À perte de vue s'étendait une agglomération de petites huttes en terre, capricieusement établies, dans lesquelles fourmillait tout un monde de petits rongeurs. Là vivaient en troupe des milliers d'écureuils, de cette espèce plus particulièrement connue en Amérique sous l'appellation vulgaire de chien des prairies. Si ce nom leur a été donné, ce n'est point que ces animaux ressemblent en quoi que ce soit à n'importe quel type de la race canine. Non, c'est pour la raison qu'ils font entendre comme un jappement de roquet. Et en vérité, tandis que nous filions au grand trot, c'était à se boucher les oreilles. Il n'est pas rare de rencontrer aux États-Unis de telles populeuses cités de quadrupèdes. Entre autres, les naturalistes citent celle de Dogville, la bien nommée, qui compte plus d'un million d'habitants à quatre pattes. Ces écureuils, qui vivent de racines, d'herbes et aussi de sauterelles, dont ils se montrent très friands, sont d'ailleurs inoffensifs, mais hurleurs à rendre sourds. Le temps s'est maintenu beau, avec une brise un peu fraîche. En réalité, il ne faut pas croire que sous cette latitude du 35e degré, le climat soit relativement chaud dans les États des deux Carolines. La rigueur des hivers y est souvent excessive. Nombre d'orangers périssent par le froid, et le lit de la Saroba est parfois encombré de glaçons. Dès l'après-midi, la chaîne des montagnes bleues, à la distance de 6 000 seulement, apparut sur un large périmètre. Son arête se dessinait nettement sur un fond de ciel assez clair que sillonnaient de légers nuages. Très boisé à sa base, où s'enchevêtrait la ramure des conifères, quelques arbres se dessinaient aussi en avant des roches noirâtres d'aspect bizarre. Ça et là se dressaient divers pics aux formes étranges, que sur la droite, le Black Dome dépassait de sa tête gigantesque, par instants tout étincelante de rayons solaires. « Est-ce que vous avez fait l'ascension de ce dôme, Monsieur Smith ? » demandai-je. « Non, me répondit-il, mais on assure qu'elle est assez difficile. Du reste, quelques touristes sont montés jusqu'à son sommet, et de sa pointe, d'après ce qu'ils ont rapporté, le regard ne peut rien voir à l'intérieur du Greatery. « C'est la vérité, déclara le guide Harry Horn. Et je l'ai constaté par moi-même. Peut-être, observai-je, le temps n'était-il pas favorable ? Très pur, au contraire, monsieur Stroke, mais les bords du Greatery sont trop élevés et arrêtent la vue. Allons, s'écria Smith, je ne serai pas fâché de mettre enfin le pied où personne ne l'a pu mettre encore. En tout cas, ce jour-là, le Greatery paraissait tranquille, et il ne s'en échappait ni vapeur ni flamme. Vers 5 heures, notre attelage fit halte à la ferme de Wildon, dont les gens vinrent au-devant de leur maître. C'était là que nous devions passer cette dernière nuit. Aussitôt les chevaux furent dételés et conduits à l'écurie, où ils trouveraient du fourrage en abondance, et la voiture s'abrita dans la remise. Le conducteur attendrait notre retour. D'ailleurs, M. Smith ne doutait pas que la mission se serait accomplie à la satisfaction générale lorsque nous rentrerions à Morganton. Quant au fermier de Wildon, il nous assura que rien d'extraordinaire ne s'était passé au Greatery depuis quelque temps. On soupa à la table commune avec le personnel de la ferme et notre sommeil ne fut aucunement troublé pendant la nuit. Le lendemain, dès l'aube, allait commencer l'ascension de la montagne. La hauteur du Great Eyrie ne dépasse pas 1800 pieds, altitude modeste, en somme, la moyenne de cette chaîne des Alleghanies. Nous pouvions donc compter que la fatigue ne serait pas grande. Quelques heures devraient suffire à atteindre l'arête supérieure du massif. Il est vrai, peut-être se présenteraient-ils des difficultés de route, précipices à franchir, obstacles à tourner au prix d'un cheminement périlleux ou pénible. Cela, c'était l'inconnu, l'aléa de notre tentative. On le sait, nos guides n'avaient pu nous renseigner à cet égard. Ce qui m'inquiétait, c'est que dans le pays, l'enceinte du Great Eyrie passait pour être infranchissable. En somme, le fait n'avait jamais été constaté, et il y avait toujours cette chance que la chute du bloc eût laissé une brèche dans l'épaisseur du cadre rocheux. « Enfin, me dit M. Smith, après avoir allumé la première pipe des 20 qu'il fumait par jour, nous allons partir et du bon pied. Quant à la question de savoir si cette ascension demandera plus ou moins de temps. » « Dans tous les cas, Monsieur Smith, demandai-je, nous sommes bien résolus à mener notre enquête jusqu'au bout. » « Résolu, Monsieur Stroke. Mon chef m'a chargé d'arracher ses secrets à ce diable de Great Eyrie. » « Nous les lui arracherons, de gré ou de force, » répliqua M. Smith en prenant le ciel à témoin de sa déclaration. « Et quand nous devrions les aller chercher jusque dans les entrailles de la montagne ?»« Comme il se peut que notre excursion se prolonge au-delà de cette journée, » ajoutai-je, « il est prudent de se munir de vivres. »« Soyez sans inquiétude, Monsieur Stroke. Nos guides ont pour 2 jours de provisions de leur carnier, et nous ne partons point les poches vides. D'ailleurs, si je laisse le brave Nisko à la ferme, j'emporte mon fusil. Le gibier ne doit pas manquer dans la zone boisée et au fond des gorges des premières ramifications. Nous battrons le briquet pour faire cuire notre chasse, à moins qu'il ne se trouve là-haut un feu tout allumé. » « Tout allumé, Monsieur Smith ? » ?»« Et pourquoi non, Monsieur Stroke ? Ces flammes, ces superbes flammes qui ont tant effrayé nos campagnards. Sait-on si leur foyer est absolument refroidi ? Si quelque feu ne couve pas sous la cendre ? Et puis, s'il y a un cratère intérieur, c'est qu'il y a un volcan. Et un volcan est-il toujours si bien éteint qu'on n'y trouve plus un bout de braise? Franchement, ce serait un triste volcan qui n'aurait plus assez de feu pour durcir un œuf ou griller une pomme de terre. Enfin, je le répète, nous verrons, nous verrons. » Là-dessus, en ce qui me concerne, j'avouerai n'avoir aucune opinion faite. J'avais reçu l'ordre d'aller reconnaître ce qu'était ce Great Eyrie. S'il n'offrait aucun danger, eh bien on le saurait et on serait rassuré. Mais au fond, et ce sentiment n'est-il pas très naturel chez un homme possédé du démon de la curiosité, j'eusse été heureux pour ma satisfaction personnelle et pour le retentissement qu'en retirerait ma mission, que le Great Eyrie fût un centre de phénomènes dont je découvrirais la cause. Voici en quel ordre allait s'effectuer notre ascension. Les 2 guides en avant, chargés de choisir les passes praticables. Elias, Smith et moi, cheminant l'un près de l'autre, ou l'un après l'autre, suivant la largeur descente. Ce fut par une étroite gorge, d'inclinaison peu accusée, que Harry Horne et James Brooke s'aventurèrent tout d'abord. Elles sinuaient le long de talus assez raides où s'entremêlaient, dans un inextricable fouillis, nombre d'arbustes à baies conifères, à feuilles noirâtres, larges fougères, groseilliers sauvages, à travers lesquels il eût été impossible de se frayer un passage. Tout un monde d'oiseaux animait ces masses forestières. Parmi les plus bruyants, des perroquets, jacassant à plein bec, remplissaient l'air de leurs cris aigus. C'est à peine si l'on entendait les écureuils filer entre les buissons, bien qu'ils fussent là par centaines. Le cours du torrent auquel cette gorge servait de lit sinuait capricieusement en remontant les croupes de la chaîne. Durant la saison des pluies ou à la suite de quelques gros orages, il devait rebondir en tumultueuses cascades. Mais de fait, il ne pouvait être alimenté que par les eaux du ciel, et si nous n'en trouvions trace, cela indiquait bien qu'il ne prenait pas source dans les hauteurs du Great Eyrie. Après une demi-heure de cheminement, la montée devint si dure qu'il fallait obliquer tantôt à droite, tantôt à gauche, et s'allonger de multiples détours. La gorge devenait véritablement impraticable, le pied n'y rencontrait plus un point d'appui suffisant. Il eût été nécessaire de s'accrocher aux touffes d'herbe, de ramper sur les genoux, et dans ces conditions, notre ascension ne se fut pas terminée avant le coucher du soleil. « Ma foi !» s'écria M. Smith en reprenant haleine. « Je comprends que les touristes du Great Eyrie aient été rares, si rares même qu'il n'y en a jamais eu à ma connaissance. » « Le fait est, répondis-je, que ce serait bien des fatigues pour un mince résultat, et si nous n'avions des raisons particulières de mener à bonne fin notre tentative. » Rien de plus vrai, déclara Harry Horn. Et mon camarade et moi, qui sommes plusieurs fois montés au sommet du Black Dome, nous n'avons jamais rencontré tant de difficultés. Difficultés qui pourraient bien devenir des obstacles, ajouta James Brooke. La question, maintenant, était de décider par quel côté nous chercherions une route oblique. À droite, à gauche, se dressaient des massifs touffus d'arbres et d'arbustes. En somme, le vrai était de s'aventurer là où les pentes seraient moins accusées. Peut-être à travers la partie boisée, après en avoir franchi la lisière, mes compagnons et moi pourrions-nous marcher d'un pied plus sûr. Dans tous les cas, on n'irait point en aveugle. Toutefois, il convenait de ne pas l'oublier, les versants orientaux des montagnes bleues ne sont guère praticables sur toute l'étendue de la chaîne, sous l'inclinaison d'une cinquantaine de degrés. Quoi qu'il en soit, le mieux était de s'en rapporter à l'instinct spécial de nos deux guides, particulièrement de James Brooke. Je crois que ce garçon en aurait remontré à un singe pour l'adresse, à un isard pour l'agilité. Par malheur, ni Elias Smith ni moi n'aurions pu nous hasarder là où se hasardait cet audacieux. Cependant, en ce qui me concerne, j'espérais ne pas rester en arrière, étant grimpeur de ma nature et très habitué aux exercices corporels. Partout où passerait James Brooke, j'étais résolu à passer aussi, dût-il m'en coûter quelques dégringolades. Mais il n'en était pas de même du premier magistrat de Morganton, moins jeune, moins vigoureux, plus grand, plus gros de taille et de pas moins assuré. Visiblement, jusqu'alors, il avait fait tous ses efforts pour ne pas s'attarder. Parfois, il soufflait comme un phoque, et malgré lui, je l'obligeais à reprendre haleine. Bref, il nous fut démontré que l'ascension du Greatery exigerait plus de temps que nous ne l'avions estimé. Nous avions pensé avoir atteint le cadre rocheux avant 11 heures, et certainement lorsque midi sonnerait, nous en serions encore à quelques centaines de pieds. En effet, vers 10 heures, après des tentatives réitérées pour découvrir des routes praticables, après de nombreux détours et retours, l'un des guides donna le signal de halte. Nous nous trouvions à la lisière supérieure de la partie boisée, et les arbres, plus espacés, permettaient au regard de s'étendre jusqu'aux premières assises du Greatery. Hé ! Dit M. Smith en s'accotant contre un gros latanier. « Un peu de répit, de repos, et même de repas, ne me serait pas désagréable. »« Pendant 1 heure, » répondis-je. « Oui, et après nos poumons et nos jambes, à notre estomac de travailler. » Nous fûmes tous d'accord à ce sujet. Il importait de reconstituer nos forces. Ce qui devait prêter à quelque inquiétude, c'était l'aspect que présentait alors le flanc de la montagne jusqu'au pied du Greatery. Au-dessus de nous s'étendait une de ces parties dénudées qui sont désignées sous le terme de Blads, dans le pays. Entre ces roches abruptes ne se dessinait aucun sentier. Cela ne laissait pas de préoccuper nos guides, et Harry Horn de dire à son camarade « Ce ne sera pas commode. »« Peut-être impossible, » répondit James Brooke. Cette réflexion me causa un véritable dépit. Si je redescendais sans même avoir pu gagner le Greatery, ce serait le complet insuccès de ma mission, sans parler d'une curiosité que je n'aurais pu satisfaire. Et lorsque je me représenterais devant M. Ward, honteuse et confus, je ferais triste mine. On ouvrit les carniers, on se réconforta de viande froide et de pain. On puisa aux gourdes avec modération, puis ce repas achevé, il n'avait pas duré une demi-heure, M. Smith se leva, prêt à se remettre en route. James Brooke prit la tête et nous n'avions qu'à le suivre en tâchant de ne point rester en arrière. On avançait lentement. Nos guides ne cachaient point leur embarras et Harry Horn alla en avant reconnaître quelle direction il convenait de prendre définitivement. Son absence dura 20 minutes environ. Lorsqu'il fut de retour, il indiqua le nord-ouest et nous reprîmes la marche. C'est de ce côté que pointait le Black Dome, à une distance de 3 ou 4 milles. On le sait, il eût été inutile d'en faire l'ascension, puisque de sa cime, même avec une puissante lunette, l'œil ne pouvait rien apercevoir de l'intérieur du Greatery. La montée était fort pénible, lente, surtout le long de ces talus glissants, semés de quelques arbrisseaux et de grosses touffes végétales. Nous avions à peine gagné 200 pieds en hauteur, lorsque notre guide de tête s'arrêta devant une profonde ornière qui creusait le sol en cet endroit. Ça et là s'éparpillaient des racines récemment rompues, des branches écrasées, des blocs réduits en poussière, comme si quelque avalanche avait roulé sur ce flanc de la montagne. C'est par là qu'aura dévalé l'énorme roche qui s'est détachée du Gretery, observa James Brooke. Nul doute, répondit M. Smith, et le mieux sera, je pense, de suivre le passage qu'elle s'est frayé dans sa chute. C'est le chemin qui fut pris et qu'on eut raison de prendre. Le pied put s'appuyer sur les éraillures creusées par le bloc. L'ascension s'effectua alors dans des conditions plus faciles, presque en droite ligne, si bien que vers 11h30, nous étions à la bordure supérieure du Blad. Devant nous, à une centaine de pas seulement, mais à la hauteur d'une centaine de pieds, se dressaient des murailles qui formaient le périmètre du Gretery. De ce côté, le cadre se découpait très capricieusement. Des pointes, des aiguilles, entre autres un rocher, dont l'étrange silhouette figurait un aigle énorme, prêt à s'envoler vers les hautes zones du ciel. Il semblait bien que dans sa partie orientale, du moins, cette enceinte serait infranchissable. Reposons-nous quelques instants, proposa M. Smith, puis nous verrons s'il est possible de contourner le Gretery. En tout cas, fit observer Harry Horne, c'est de ce côté qu'a dû se détacher le bloc, et on n'aperçoit aucune brèche dans cette partie de l'enceinte. C'était la vérité, et nul doute que la chute ne se fût faite de ce côté. Après un repos de 10 minutes, les deux guides se relevèrent, et par un raidillon assez glissant, nous atteignîmes le bord du plateau. Il n'y avait plus maintenant qu'à longer la base des roches, qui, à la hauteur d'une cinquantaine de pieds, surplombaient en s'évasant comme les bords d'une corbeille. Il en résultait que même en disposant d'échelles suffisantes, il eût été impossible de s'élever jusqu'à l'arête supérieure de l'enceinte. Décidément, le Gretery prenait à mes yeux un aspect absolument fantastique. Il aurait été peuplé de dragons, de tarasques, de chimères et autres espèces de la tératologie mythologique, préposé à sa garde, que je n'en eusse pas été surpris. Cependant, nous continuions à faire le tour de cette circonvallation où il semblait que la nature eût fait œuvre humaine étant donné sa régularité. Et nulle part une interruption dans cette courtine, nulle part un entre-deux de roches par lequel on aurait essayé de se glisser. Partout cette crête, haute d'une centaine de pieds, qu'il était impossible de franchir. Après avoir suivi le bord du plateau pendant 1h30, nous étions revenus à notre point de départ, là où s'était faite la dernière halte à la limite du Blad. Je ne pus cacher mon dépit de cette déconvenue, et il me sembla bien que M. Smith n'était pas moins dépité que moi. « Mille diables ! » s'écria-t-il. « Nous ne saurons donc pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce maudit Gretery, et si c'est un cratère ?»« Volcan ou non, observai-je, il ne s'y produit aucun bruit suspect. Il ne s'en échappe ni fumée ni flamme. Rien de ce qui annoncerait une éruption prochaine. » Et en effet, silence profond à l'extérieur comme à l'intérieur. Pas une vapeur fuligineuse ne s'épanchait au dehors. Aucune réverbération sur les nuages que la brise de l'est chassait au-dessus. Le sol était aussi tranquille que l'air. Ni rumeur souterraine, ni secousse ne se faisait sentir sous nos pieds. C'était le calme parfait des hautes altitudes. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que la circonférence du Gretery pouvait se chiffrer par 1200 ou 1500 pieds, d'après le temps que nous avions employé à en faire le tour et en tenant compte des difficultés du cheminement au bord de l'étroit plateau. Quant à la surface interne, comment l'évaluer, puisque nous ne savions pas quelle était l'épaisseur des roches qui l'entouraient? Il va sans dire que les environs étaient déserts. J'entends par là que nulle créature vivante ne se montrait, à l'exception de 2 ou 3 couples de grands oiseaux de proie qui planaient au-dessus de l'air. Nos montres marquaient 3 heures alors, et M. Smith de dire d'un ton vexé, « Quand nous resterions ici jusqu'au soir, nous n'en apprendrions pas davantage. Il faut partir, M. Stroke, si nous voulons être de retour à Pleasant Garden avant la nuit. » Et comme je le laissais sans réponse et ne quittais pas la place où j'étais assis, il ajouta en venant près de moi. « Eh bien, monsieur Stroke, vous ne dites rien? Est-ce que vous ne m'avez pas entendu ?» Au vrai, cela me coûtait d'abandonner la partie, de redescendre sans avoir accompli ma mission. Et je sentais, avec l'impérieux besoin de persister, redoubler ma curiosité déçue. Mais que faire? Était-il en mon pouvoir d'éventrer cette épaisse enceinte, d'escalader ces hautes roches? Il fallut se résigner. Et après avoir jeté un dernier regard vers le Gretery, je suivis mes compagnons qui commençaient à dévaler les pentes du Blad. Le retour s'effectua sans grande difficulté, comme sans grande fatigue. Avant 5 heures, nous dépassions les dernières rampes de la montagne et le fermier de Wildon nous recevait dans la salle où attendaient rafraîchissements et aliments substantiels. « Ainsi, vous n'avez pas pu pénétrer à l'intérieur ?» nous demanda-t-il. « Non, répondit M. Smith, et je finirai par croire que le Greatery n'existe que dans l'imagination de nos braves campagnards. » À 8h30 du soir, notre voiture s'arrêtait devant la maison du maire de Pleasant Garden, où nous devions passer la nuit. Et pendant que je cherchais vainement à m'endormir, je me demandais s'il ne conviendrait pas de m'installer pour quelques jours dans la bourgade, d'organiser une nouvelle ascension. Mais aurait-elle plus que la première chance de réussir? Le plus sage, en somme, était de revenir à Washington et de consulter M. Ward. Aussi, le lendemain soir, à Morganton, après avoir réglé mes 2 guides, je pris congé de M. Smith et me rendis à la gare d'où le rapide pour Raleigh allait partir. Chapitre 4. Un concours de l'Automobile Club. Le mystère du Greatery devait-il être dévoilé un jour par suite d'éventualités difficiles à prévoir? C'était le secret de l'avenir. Y avait-il un intérêt de premier ordre à ce qu'il le fût? Aucun doute à ce sujet, puisque la sécurité des habitants de ce district de la Caroline du Nord en dépendait peut-être. Quoi qu'il en soit, une 15 jours après, alors que j'étais de retour à Washington, l'attention publique fut non moins sollicitée par un fait d'ordre tout différent. Ce fait allait demeurer aussi mystérieux que les phénomènes dont le Greatery venait d'être le théâtre. Vers le milieu de ce mois de mai, les journaux de la Pennsylvanie portèrent à la connaissance de leurs lecteurs le dit fait qui s'était récemment produit en divers points de l'État. Depuis quelque temps, sur les routes qui rayonnent autour de Philadelphie, son chef-lieu, circulait un extraordinaire véhicule dont on ne pouvait reconnaître ni la forme, ni la nature, ni même les dimensions, tant il se déplaçait rapidement. Que ce fût une automobile, il y avait parfait accord à ce sujet. Mais quel moteur l'animait? On en était réduit aux hypothèses plus ou moins admissibles, et lorsque l'imagination populaire s'en mêle, il est impossible de lui assigner de justes limites. À cette époque, les automobiles les plus perfectionnées, quel que fût leur système, mus par la vapeur d'eau, le pétrole, l'alcool ou l'électricité, ne dépassaient guère le 130 à l'heure, soit environ 30 lieues de 4 km, c'est-à-dire environ 1,5 mille par minute. Ce que les chemins de fer avec leurs express ou leurs rapides donnent à peine sur les meilleures lignes de l'Amérique et de l'Europe. Or, en ce qui concerne l'engin dont il s'agit, il marchait certainement au double de cette vitesse. Inutile d'ajouter qu'une telle allure constituait un extrême danger sur les routes, tant pour les véhicules que pour les piétons. Cette masse roulante, arrivant comme la foudre, précédée d'un grondement formidable, déplaçait l'air avec une violence qui faisait craquer les branchages des arbres en bordure, affolant d'épouvante les animaux en pâture dans les champs, dispersant les oiseaux qui n'auraient pu résister au tourbillon de la poussière soulevée à son passage. Et, détail bizarre sur lequel les journaux attirèrent plus particulièrement l'attention, le macadam des chemins était à peine entamé par les roues de l'appareil qui ne laissait après lui aucune trace de ces ornières produites par le roulement de lourds véhicules. À peine une légère empreinte, un simple effleurement. La rapidité seule engendrait le soulèvement de la poussière. C'est à croire, faisait observer le New York Herald, que la vitesse de déplacement mange la pesanteur. Naturellement, des réclamations s'étaient élevées parmi les divers districts de la Pennsylvanie. Comment tolérer ces courses folles d'un appareil qui menaçait de tout renverser, de tout écraser sur son passage, voitures et piétons? Mais de quelle façon s'y prendre pour l'arrêter? On ne savait ni à qui il appartenait, ni d'où il venait, ni où il allait. On ne l'apercevait qu'au moment où il filait comme un projectile dans sa marche vertigineuse. Allez donc saisir au vol un boulet de canon au moment où il sort de la bouche à feu. Je le répète, nulle indication sur la nature du moteur de l'engin. Ce qui était certain, Ce qu'on avait constaté, c'est qu'il ne laissait derrière lui aucune fumée, aucune vapeur, aucune odeur de pétrole ou autre huile minérale. De là cette conclusion, c'est qu'il s'agissait d'un appareil mu par l'électricité et dont les accumulateurs, d'un modèle inconnu, renfermaient un fluide pour ainsi dire inépuisable. Alors, l'imagination publique, très surexcitée, voulut voir tout autre chose dans cette mystérieuse automobile. C'était le char extra-naturel d'un spectre qui la conduisait, un des chauffeurs de l'enfer, un gobelin qui venait de l'autre monde, un monstre échappé de quelque ménagerie tératologique, et pour le résumer en un seul type, le diable en personne, Belzébuth, Astaroth, qui défiait toute intervention humaine, ayant à sa disposition l'invisible et infinie puissance satanique. Mais Satan lui-même n'avait pas le droit de circuler avec cette rapidité sur les routes des États-Unis, sans une autorisation spéciale, sans un numéro d'ordre, sans une licence en règle, et à coup sûr, pas une municipalité ne consentit à lui permettre du 250 à l'heure. Donc, par raison de sécurité publique, il fallait aviser au moyen d'enrayer la fantaisie de ce chauffeur masqué. Et même ce ne fut pas la seule Pennsylvanie qui servit de vélodrome à ses excentricités sportives. Les rapports de police ne tardèrent pas à signaler l'appareil en d'autres États. Au Kentucky, aux environs de Francfort. Dans l'Ohio, aux environs de Columbus. Dans le Tennessee, aux environs de Nashville. Dans le Missouri, aux environs de Jefferson. Et enfin dans l'Illinois, sur les différentes routes qui aboutissent à Chicago. Maintenant, l'éveil étant donné, il appartenait aux autorités municipales de prendre toute mesure contre ce danger public. Attraper un appareil lancé à de telles vitesses, on y pouvait compter. Le plus sûr serait d'établir sur les chemins des barrages solides contre lesquels il viendrait tôt ou tard se briser en mille pièces. « Bah !» répétaient les incrédules. « Cet enragé saura bien tourner ses obstacles. »« Et au besoin sauter par-dessus les barrages » ajoutait-on. « Et si c'est le diable, il a des ailes, en sa qualité d'ancien ange, et il ne sera pas embarrassé de prendre son vol. » Vrai propos de commère dont il n'y avait pas lieu de tenir compte. D'ailleurs, si ce roi des enfers possédait une paire d'ailes, pourquoi s'obstinait-il à circuler sur le sol terrestre, au risque d'écraser les passants, plutôt que de s'élancer à travers l'espace comme un libre oiseau des airs. Telle était la situation qui ne pouvait se prolonger et dont se préoccupait à bon droit la haute police de Washington, résolue à y mettre un terme. Or, voici ce qui arriva dans la dernière semaine du mois de mai, et tout donnait à penser que les États-Unis étaient délivrés du monstre, resté insaisissable jusqu'alors. Et même, après le Nouveau Monde, il y avait lieu de croire que l'ancien ne serait pas exposé à recevoir la visite de cet automobiliste aussi dangereux qu'extravagant. À cette date, le fait suivant fut rapporté dans les divers journaux de l'Union, et de quels commentaires le public l'accompagna, il est facile de l'imaginer. Un concours venait d'être organisé par l'Automobile Club dans le Wisconsin, sur une des routes de cet État dont Madison est le chef-lieu. Cette route forme une piste excellente sur une longueur de 200 milles, allant de Prairie du Chien, ville de la frontière ouest, en passant par Madison et se terminant un peu au-dessus de Milwaukee, à la rive du Michigan. Seule, au Japon, la route entre Nikko et Namode, bordée de cyprès gigantesques, lui serait supérieure car elle forme une ligne droite de 82 km. Nombre d'appareils et des meilleures marques s'inscrivirent pour prendre part à ce match et il avait été décidé que tous les systèmes de moteurs seraient admis à concourir. Les motocycles même pouvaient disputer les prix aux automobiles. On verrait ceux des maisons Herter et Dietrich en ligne avec les voiturettes légères Gobron et Brier, Renault Frères, Richard Brasier, Decauville, Darac, Adair, Bayard, Clément, Chenard et Walker, les voitures Gillet Forest, Harward et Watson, les grosses voitures Morse, Mercedes, Charon Giraudot Voigt, Hotchkiss, Panard Levasseur, Dion Bouton, Garner Serpollet, Turca Mairie, Hirschler et Lobano, etc., de toutes les nationalités. La somme des différents prix était considérable, car elle ne s'élevait pas à moins de 50 000 $. Donc, nul doute que ces prix seraient vivement disputés. On le voit, les meilleurs fabricants avaient répondu à l'appel de l'Automobile Club en envoyant leurs types les plus perfectionnés. On en comptait une quarantaine de divers systèmes, vapeur d'eau, pétrole, alcool, électricité, tous ayant fait leur preuve dans nombre de mémorables sports. D'après les calculs basés sur le maximum de vitesse qui pourrait être obtenu, 130 à 140 km, cette course internationale durerait à peine 3 heures pour ce parcours de 200 milles. Aussi, afin d'éviter tout danger, les autorités du Wisconsin avaient interdit la circulation entre Prairie du Chien et Milwaukee pendant la matinée du 30 mai. Donc, aucun accident n'était à prévoir, si ce n'est ceux qui pourraient survenir aux concurrents en pleine lutte. Cela, c'est leur affaire, comme on dit volontiers. Mais rien à craindre, ni pour les véhicules, ni pour les piétons, en raison des mesures sagement prises. Il y eut extraordinaire affluence, et non seulement des Wisconsinois. Plusieurs milliers de curieux accoururent des États limitrophes de l'Illinois, du Michigan, de l'Iowa, de l'Indiana, et même de l'État de New York. Il va sans dire que parmi ces amateurs d'exercices sportifs figuraient un certain nombre d'étrangers, anglais, français, allemands, autrichiens, et par un sentiment bien naturel, chacun faisait des vœux pour les chauffeurs de sa propre nationalité. À noter aussi, puisque ce match s'effectuait aux États-Unis, la mirifique patrie des grands parieurs de ce bas monde, que de multiples paris s'étaient établis sous toutes les formes et d'excessive importance. Des agences spéciales les avaient reçus. Dans le nouveau continent, ils s'étaient considérablement accrus depuis la dernière semaine de ce mois de mai et se chiffraient alors par des centaines de mille dollars. Le signal du départ allait être donné à 8 heures du matin par un chronométreur. Afin d'éviter l'encombrement et les accidents qui en fussent résultés, les automobiles devraient se succéder à 2 minutes d'intervalle sur cette route dont les abords étaient noirs de spectateurs. Le premier prix serait attribué à la voiture qui couvrirait dans le minimum de temps la distance entre Prairie du Chien et Milwaukee. Les 10 premières voitures, désignées par le sort, étaient parties entre 8h et 8h20. Assurément, à moins d'un accident, elles seraient arrivées au but avant 11h. Les autres allaient suivre dans l'ordre de tirage. Des agents de police surveillaient la route de demi-mille en demi-mille. Les curieux, disséminés le long du parcours, s'ils étaient nombreux au départ, ne l'étaient pas moins à Madison, point milieu de la piste, et formaient une foule considérable à Milwaukee, point terminus du match. 1h30 s'était écoulée. Il ne restait plus un seul véhicule à Prairie du Chien. Par les communications téléphoniques, on savait de 5 minutes en 5 minutes quelle était la situation du ring et en quel ordre se succédaient les concurrents. C'était une voiture Renault Frères, 4 cylindres et 20 chevaux de force, pneus Michelin, qui tenait la tête à mi-chemin de Madison et de Milwaukee, suivie de près par une Howard Watson et une Dion Bouton. Quelques accidents s'étaient déjà produits. Des moteurs fonctionnant mal, des appareils restés en panne, et vraisemblablement, il ne serait pas plus d'une douzaine de chauffeurs en mesure d'atteindre le but. Mais si l'on comptait plusieurs blessés, il l'était peu grièvement. D'ailleurs, y eut-il eu mort d'homme, c'est un détail qui n'a pas grande importance dans cet étonnant pays d'Amérique. On le comprendra, où la curiosité, où les passions devaient se déchaîner dans toute leur violence, c'était plus particulièrement aux approches de Milwaukee. Sur la rive ouest du Michigan se dressait le poteau d'arrivée, pavoisé de toutes les couleurs internationales. Bref, après 10 heures, il fut manifeste que le grand prix, 20 000 $, ne serait plus disputé que par 5 automobiles, 2 américaines, 2 françaises, 1 anglaise, grâce à leur avance considérable, les autres rivales étant distancées par suite d'accidents. Dès lors, on imaginera aisément avec quel furia s'engageaient les derniers paris qui mettaient en jeu l'amour-propre national. À peine si les agences pouvaient suffire aux demandes. Les cotes progressaient avec une rapidité fiévreuse. Les représentants des principales marques qui tenaient la tête étaient prêts à en venir aux mains, et si le revolver ou le Bowie knife ne s'en mêlaient pas, il ne s'en faudrait guère. « À 1 contre 3, la Howard Watson. »« À 1 contre 2, le Dion Bouton. »« À égalité, la Renault Frère. » Ces cris, on peut le dire, retentissaient sur toute la ligne à mesure que se répandaient les nouvelles téléphoniques. Or, voici que vers 9h30, à l'horloge municipale de Prairie du Chien, 2 milles avant cette bourgade, se produisit un effroyable bruit de roulement qui sortait d'un épais nuage de poussière, accompagné de sifflements semblables à ceux d'une sirène de marine. À peine si les curieux eurent le temps de se ranger pour éviter un écrasement qui eût fait des centaines de victimes. Le nuage passa comme une trombe, et c'est tout au plus s'il fut possible de distinguer l'appareil animé d'une pareille vitesse. On pouvait affirmer, sans être taxé d'exagération, qu'il faisait du 240 à l'heure. Il disparut en un instant, laissant derrière lui une longue traînée de poussière blanche, comme la locomotive d'un rapide laisse à sa suite une longue traînée de vapeur. Évidemment, c'était une automobile, pourvue d'un extraordinaire moteur. À maintenir cette allure pendant une heure, elle aurait rejoint les automobiles de tête. Elle les dépasserait avec cette vitesse double de la leur. Elle arriverait première au but. Et alors, de toutes parts, s'élevèrent de bruyantes clameurs, bien que les spectateurs massés sur les bords de la route n'eussent rien à craindre. « C'est l'infernale machine signalée il y a une quinzaine de jours. »« Oui, la même qui a traversé l'Illinois, l'Ohio, le Michigan, et que la police n'a pu arrêter. »« Et dont on n'entendait plus parler, heureusement pour la sécurité publique. »« Et que l'on croyait finie, détruite, disparue pour jamais. »« Oui, la charrette du diable, chauffée avec le feu de l'enfer, et que Satan conduit en personne. » En vérité, si ce n'était pas le diable, qui pouvait donc être ce mystérieux chauffeur menant avec cette invraisemblable vélocité cette non moins mystérieuse machine? Ce qui paraissait au moins hors de doute, c'est que l'engin qui courait alors dans la direction de Madison était bien celui qui s'était déjà signalé à l'attention publique et dont les agents n'avaient plus trouvé trace. Si la police croyait qu'elle n'en entendrait plus jamais parler, eh bien la police se trompait, ce qui se voit en Amérique comme ailleurs. Alors, passé le premier mouvement de stupeur, les plus avisés coururent au téléphone afin de prévenir les diverses stations en prévision des dangers qui menaçaient le ring des automobiles éparpillés sur la route lorsque l'être quelconque qui dirigeait ce foudroyant appareil arriverait comme une avalanche. Elle serait écrasée, broyée, anéantie, et qui sait même si de cette épouvantable collision il ne sortirait pas, lui, sain et sauf. Après tout, il devait être si adroit, ce chauffeur des chauffeurs. Il devait manier sa machine avec une telle sûreté de coup d'œil et de main qu'il saurait sans doute ne se heurter à aucun obstacle. N'importe. Si les autorités du Wisconsin avaient pris des mesures pour que la route fût réservée aux seuls concurrents du match international, cette route ne l'était plus. Et voici ce que rapportèrent les coureurs, prévenus téléphoniquement, et qui durent interrompre la lutte pour le Grand Prix de l'Automobile Club. À leur estime, ce prodigieux véhicule ne faisait pas moins de 130 milles à l'heure. Telle était la vitesse, au moment où il les dépassait, qu'on put à peine reconnaître la forme de cette machine, sorte de fuseau allongé dont la longueur ne devait pas excéder une dizaine de mètres. Ses roues tournaient avec une vélocité telle que leurs rayons se confondaient. Du reste, elle ne laissait après elle ni vapeur, ni fumée, ni odeur. Quant au conducteur, renfermé à l'intérieur de son automobile, il avait été impossible de l'apercevoir et il demeurait aussi inconnu à l'époque où il fut pour la première fois signalé sur les routes de l'Union. Par les stations téléphoniques, Milwaukee avait été prévenu de l'arrivée de cet outsider. On imaginera aisément l'émotion que causa la nouvelle. Et tout d'abord, se posa la question d'arrêter ce projectile, d'élever en travers de la route un obstacle contre lequel il se briserait en mille pièces. Mais en aurait-on le temps? Le chauffeur ne pouvait-il apparaître d'un instant à l'autre? À quoi bon d'ailleurs? Ne serait-il pas finalement forcé d'enrayer sa marche Valence à Haute-Nolem, puisque la route aboutissait au lac Michigan et qu'il ne pouvait aller au-delà à moins de se métamorphoser en appareil de navigation? Telle est la pensée qui se présenta à l'esprit des spectateurs, groupés en avant de Milwaukee, après avoir pris la précaution de se tenir à distance suffisante pour ne point être renversé par cette trombe. Puis, là aussi, comme à Prairie du Chien, comme à Madison, les plus extravagantes hypothèses d'avoir cours. Et à ceux qui ne voulurent point admettre que le mystérieux chauffeur fût le diable en personne, ils ne répugnaient pas de voir en lui quelque monstre échappé des fantastiques repères de l'Apocalypse. Et maintenant, ce n'était plus de minute en minute, c'était de seconde en seconde que ces curieux attendaient l'apparition de l'automobile signalée. Or, il n'était pas 11 heures lorsqu'un lointain roulement se fit entendre sur la route dont la poussière se soulevait en volutes tourbillonnantes. Des sifflets stridents déchiraient l'air, invitant à se ranger sur le passage du monstre. Il ne ralentissait pas sa vitesse. Pourtant, le lac Michigan n'était plus qu'à un demi-mille et son élan suffisait à l'y précipiter. Est-ce donc que le mécanicien n'était plus le maître de sa mécanique? Il n'y eut bientôt aucun doute à ce sujet. Avec la rapidité d'un éclair, le véhicule arriva à la hauteur de Milwaukee. Et quand il eut dépassé la ville, alla-t-il donc s'engloutir dans les eaux du Michigan? En tout cas, lorsqu'il eut disparu au tournant de la route, on ne trouva plus trace de son passage.